Voici Guillaume Auguste. C'est ça. Bon, bon. Il est là, ah, il est là. Ah, là. Il est là, c'est pas grave. Bravo, Guillaume. Ah. Ça va, les amigos? Mais oui. Nous, oui. On y est, hein? On est où? On y est, hein, ça fait des semaines. Quoi? Que Nagui, il insiste pour que je sois dans l'émission d'aujourd'hui. Il était là, dans le bureau. Il était là, on a des chants, il faut que le Belge soit là, on va se le faire et tout. Voilà, Didier, je voulais juste vous prévenir ici à France Inter, Nagui, il vous appelle juste Deschamps. Pas Didier Deschamps ou Didier ou Ladèche ou Mondidou ou Macouille Deschamps. Genre, juste Deschamps, quoi, vraiment. Je vous dis ça, Didier, parce que je sais que Nagui, il vous fait croire que vous êtes amis et tout. Et c'est important, mais j'ai vu des selfies de vous et lui sur Instagram, vous aviez l'air épanoui, Didier. Mais. Il faut que je vous le dise, en fait Nagui il fait des selfies avec tout le monde. Vraiment, il en a un avec William Prunier, il en a un avec la mascotte CTLM. Nagui fait des selfies avec des objets, vraiment. Moi j'ai déjà vu une langoustine dire à Nagui, ça va, c'est bon, ça c'est. Je veux pas casser un rêve, Didier, il y en a deux des relations asymétriques. Hein, ça... Et puis voilà, puis, tant que vous y trouvez votre compte, c'est pas grave. Mais il faut savoir qu'à la cantine de Radio France, Nagui il est là. Je paye rien, je connais Deschamps il me mange dans la main, Deschamps il me doit 9000 euros, Deschamps tactiquement c'est de l'esbrouf. Enfin, j'ai dit, la cocaïne n'explique pas tout, comme disait Leïla. Et en fait, c'est... C'est vrai, ça n'explique pas c'est tout, gratuit, mais c'est pas un hasard si je suis là aujourd'hui. Parce que Nagui s'est dit, je vais justement mettre un Belge à côté de Didier Deschamps. 9 chances sur 10, ça va finir en tesson de bouteille. Hein, il va lui crever un œil, etc. On va enfin faire un peu de buzz dans cette émission. Ça va redonner, tu vois, cette émission, le petit côté TPMP qui lui manque pour ravir le cœur. Pour ravir le cœur des moins de 62 ans. Mauvais calcul, Nagui, mauvais calcul. Parce que déjà, moi je suis paraguayen. Guillermo Guise, allô quoi, vraiment. Guillermo Guise, là je suis de passage à Paris, mais le reste de ma famille là, Asuncion, olé, tu vois, vraiment. Ensuite Didier, je vais vous le dire très honnêtement, et ne le prenez pas mal, mais moi, je m'intéresse pas du tout au foot en fait. Vraiment, c'est pas mon truc. Je sais pas pourquoi il fait des allusions depuis le début sur ça. Moi j'ai regardé 2-3 matchs de foot quand j'étais moins éduqué. Ouais. Puis j'ai eu les moyens de m'acheter des livres et donc j'ai un peu moins suivi, etc. Le foot. Et qu'on me comprenne bien, le foot, je trouve ça super bien que les gens ils fassent de l'exercice, etc. Et puis voilà, le foot déjà, que le big deal s'est arrêté, tu peux pas enlever. Tout au masque, tu vois, je veux dire, c'est important. Mais j'y connais rien, moi je savais pas du tout pour cette histoire de Coupe du Monde, j'étais pas du tout au courant. C'est vrai qu'en préparant l'émission, j'ai lu qu'en Russie vous avez gagné une sorte de prix avec l'équipe française de football, c'est génial ça, franchement. Et il paraît que c'était même télévisé et tout, vos proches ont dû être tellement fiers. Vraiment bravo Didier, c'est vraiment c'est formidable, non? Le football, c'est vraiment le football, c'est. Moi ça me fait penser à cette célèbre phrase d'un joueur anglais, Jérôme Lineker, qui disait, je crois, le foot, c'est un sport qui se joue à 11 contre 11, et à la fin c'est toujours. Je vais te tuer, Didier, j'ai envie de crever dans un pire nom de prix, et des nazas. Pardon, excusez-moi, je sais pas ce qu'il m'a pris. Et donc je disais. Autant le football, je trouve ça, c'est sympa, mais c'est un sport mineur, comme la luge ou le tir. Autant moi, ce qui me passionne, c'est vraiment le hockey sur gazon. Ça, c'est mon sport. J'ai suivi la Coupe du Monde de hockey récemment, c'est la Belgique qui a gagné. Et je me disais, quel beau sport. Quand tu regardes l'équipe française ou l'équipe belge de hockey, c'est vraiment multiculturel. Il y a des joueurs de toutes les origines, il y a des blancs, il y a. En tout cas, c'est un très beau sport. Et donc, et la Belgique est devenue championne du monde le 16 décembre, jour de la fête nationale du Kazakhstan. C'est dingue, parce qu'en fait, on salue le président Nazarbayev, qui est lui aussi un ami personnel de Nagui. Nagui a animé son goûter d'anniversaire en présence de Tom Jones, de Kev Adams et d'Annie Dupéré. Et je sais pas si vous avez présenté le président Nazarbayev, Didier, parce que Nagui, il arrête pas de dire ouais, c'est un type épatant, et Nazar ceci, Nazar cela. Il nous dit jamais ça de vous, en fait. Voilà, donc je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. Parce que moi, j'ai beaucoup de sympathie pour vous. J'adore cette phrase que vous avez prononcée un soir du 15 juillet, où vous disiez cette Coupe du Monde. Je la dédie au pays qui la méritait vraiment. Assez parlé de la Belgique. Allez, bonne émission. Vraiment. La bande originale, Nagui sur France Inter.